et dans un vrombissement assez sourd, vous quittez la berge. Kotom offre le reste lui à l'arrière, vous laissant avec Igor sur ce bateau. Et vous avancez. Le voyage se passe tranquillement. Vous parcourez, vous savez, Igor vous a dit, vous allez avoir une heure et quart de voyage environ. Il n'est pas tout proche. Est-ce que vous faites quelque chose au début du voyage? J'inspecte et je nettoie mes armes si jamais elles ont besoin, parce que je peux pas vérifier avant. Pas de soucis. Et puis je me concentre sur la mission. Je vérifie rapidement mes armes et puis après, comme à mon habitude, pour passer le temps, je joue avec mon couteau. Et moi avec mes scalpels. Le voyage se déroule dans l'ensemble plutôt calmement. Et là, Igor vous interpelle et fait: j'ai l'impression que le temps se gâte. Faites attention quand même. Là, vous sentez que ça commence vraiment à bouger. Vous entendez le tonnerre qui gronde. Je range le couteau à la ceinture, du coup. Cette pluie qui s'abat de plus en plus fortement sur la carlingue. Vous sentez ballotté par les vagues qui se dressent devant vous. Vous allez me faire tous les trois un petit jet de constitution. Moi ça passe pas. Moi ça passe pas non plus. Le doc. Moi ça passe. D'un coup, Igor vous dit: attention, une grosse vague! Et là, il s'embarque dans un espèce de mouvement chaotique au milieu de l'eau. Vous sentez le bateau se faire balloter de gauche à droite, de haut en bas. Toi, Doc, tu restes fixe, tu ne bouges pas, tu te tiens. Par contre, Alexei et Sacha, vous vous faites balloter dans tous les sens. Et vous vous retrouvez projeté au sol, l'un sur l'autre. Vous êtes un petit peu sonné par le choc que vous venez de subir. Yore, yore. Ah, bordel! J'essaye de me réasseoir et de... C'est assez difficile. Ouais, bah j'essaye d'aider mon camarade à se relever, enfin à se tenir, quoi. Igor, quand il a entendu que vous étiez cassé la figure, il a émis un rire assez gras. Ha ha ha ha! Est-ce que ça va derrière? Ça va, mais rigole pas trop, toi. Ah. Ouais. Ouais. Je te prends quand tu veux sur Terre. Ah, vous aurez pas ce plaisir là, je vous rappelle que je vous dépose et que je m'en vais. Bah alors fais pas trop le malin. Et je m'assieds contre un... genre dans un coin de la cabine pour être le plus... avoir deux stabilisations. Très bien. Le restant du voyage reste encore assez chaotique quand même. Les vagues sont assez présentes. L'atmosphère est très électrique. Vous avez cette sensation étrange, au bout des doigts. Comme s'il y avait quelque chose de palpable dans l'atmosphère qui vous entoure. Et Igor vous dit: on approche de l'endroit où j'ai... de l'endroit où mon camarade a posé vos collègues il y a quelque temps. Je vous dépose exactement au même endroit. Et là, 5-6 minutes après, vous arrivez sur cette plage. Okay. Igor vous dépose, vous souhaite bonne chance, vous salue d'un geste ferme, militaire. On dit: dès que vous avez fini, vous n'hésitez pas, vous tirez votre fusée et j'arrive. Ouais, ok. Je rends son salut. Bon bah du coup je le salue et... Vous voyez Igor qui manœuvre au milieu de ces rochers. Une certaine dextérité, vous trouvez. Et il s'en va. Il fend les eaux et vous ne le voyez plus. Du coup perso je trace vers le bateau. Moi j'essaye de voir s'il n'y a pas des traces de pas fraîches. Tu vois rien du coup. Ok. Et fraîche. Le sable est trempé. Tu n'observes absolument rien au niveau du sol, mis à part vos traces de pas. Ok, bah, on fonce au bateau. Très bien. Vous arrivez devant ce bateau. Oui, Victor. Tu remarques sur la coque du bateau un logo. Un peu effacé, mais bien présent quand même. Tu arrives bien à le discerner. Tu vois ça. Donc, tu frottes dessus pour enlever un petit peu le sel et le sable. Tu vois ce logo dessus. Chef. Ouais. Vous avez vu ça? Et je montre le logo. Je m'approche. C'était bien des putains de nazis. Bon, il y avait pas trop de doute là-dessus, mais au moins, là, on est fixé. Bon. On va inspecter le bateau, l'intérieur. Et après, on bouge au cœur de l'île. On a pas trop le choix. Ouais. Donc, et je commence à m'avancer. Sur mes gardes tout de même et ouais. je monte sur le bateau. Tu trouves assez facilement une petite échelle qui est incrustée dans la coque du bateau. Tu montes. Tes deux camarades te suivent, je pense. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous le suivez. Vous êtes sur le pont principal du bateau. J'ai mon arme de poing à la main. La seule chose que vous voyez, c'est un endroit qui a l'air de descendre un peu plus loin. Sinon, rien de particulier sur le pont principal. Il y a une cabine de pilotage du coup. Oui, mais vous passez... Elle est vide. Elle est vide, aucune trace. Aucun document qui jonche le sol, rien. Absolument tout est... rien. Ok. Du coup, je me dirige vers l'escalier. Dans quel ordre? Je passe devant. Je vais fermer la marche, je pense. Ok, je me mets au milieu. Très bien. Sacha, tu descends. Vous voyez que... C'est un escalier qui descend. Vous ne pouvez passer que une personne et demie, au grand max. Donc c'est en file indienne que vous enfoncez dans ce navire de la Kriegsmarine. Devant toi, une porte. Fermée. Je pousse pour voir si elle est verrouillée ou juste fermée. Enfin, sauf si elle se tire, auquel cas... Non, elle se pousse bien, en effet, mais avec difficulté. Tu sens que le matériau qui compose cette porte a travaillé avec la pluie. C'est un peu gondé. Mais tu réussis à l'ouvrir. Tu ne vois rien, dans le sens où il fait très sombre à l'intérieur. Vous avez de la lumière, les gars ? Ouais, ouais, on avait une lampe. Je considère que vous avez tous une torche, quoi. Ça fait partie normalement du matériel. Oui, non, mais c'est que, genre, moi je peux pas trop. Si j'éclaire, je suis moins. Bah, tu peux te mettre en position où t'as le flingue sur la lumière qui est sur. Ton flingue sur ta main droite, la lumière. Oui, main gauche. Mais je préfère garder les deux mains, genre. Je sors ma lampe torche. J'essaye de suivre au mieux la direction de son arme. D'accord. Bon, éclaire juste devant, t'inquiète. Ok. Devant vous... Moi, je vais éclairer sur les côtés. L'espace de deux hommes et un mur. Mais vous voyez des couloirs qui partent sur la droite et sur la gauche. dans l'oreille, y a du bruit, mis à part le ploc ploc de la pluie et éventuellement des grincements. Rien du tout. Rien du tout. Bon, du coup, j'avance, je jette un œil à gauche. Je fais un tour rapide de lampe. J'essaye de voir l'état un peu du bateau. C'est plutôt clean. Ok. L'eau n'a pas l'air de s'être infiltrée. Tu remarques rien de particulier, c'est simplement des couloirs. Ok. Bah du coup je suis Sacha pour toujours lui donner la lumière. Et moi je ferme, je continue de fermer la marche. D'accord, vous passez à droite ou à gauche? J'étais parti sur la gauche donc. Très bien. Du coup moi ce que je vais faire c'est que t'as dit il y a l'espace pour une personne et demie à peu près. Ouais, deux personnes quoi, t'as large de quoi passer, vous avez large de quoi passer quoi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre presque à côté de Alexei, merci. À 45 degrés pour mais orienté vers l'arrière. D'accord. Pour éclairer derrière nous. Ok, très bien. Vous avancez. Sacha, devant toi une porte. Fermée. Je pousse. Tu pousses. Tu ouvres. Un grincement. Un grincement qui fait un petit froid dans le dos. Sous la pression. C'est un bruit qui n'est vraiment pas agréable à ton oreille. Vous avancez. C'est une grande pièce de vie. Des tables. Des chaises. Des petits bureaux. Des petits stocks pour la nourriture, pour possiblement du matériel aussi. Et tout a l'air vide, genre les tables absolument rases. Vous allez me faire tous les trois un jet de perception? C'est un bon deal. Ouais, ça passe. Ça Ah, moi aussi. Alexei, ça passe. Sacha, ça passe. C'est et ça. Doc, toi, t'es aveugle, toi. Bon, moi, de toute façon, je suis en train de regarder derrière dans le couloir. Donc... Ouais. C'est donc... pour ça que ça passe pas. Ouais. Doc, toi, tu restes vigilant sur l'arrière. Tu notes rien de particulier dans ton champ de vision. Alexei, toi, tu te tournes au niveau des boîtes. Tu observes l'intérieur. Il n'y a strictement rien. Tout le matériel qui était entreposé a été emmené. Mm-hmm. Tu ne sais où. Tu remarques ce qui pourrait aider à déblayer. Tu penses qu'il pourrait y avoir des pelles, des pioches. Une odeur particulière te monte au nez. Celle de la poudre. Tu penses peut-être à quelques explosifs aussi. Toi, Sacha, tu t'orientes plutôt du côté des tables. Et tu notes sur une table des documents posés dessus. Du coup, je range mon revolver, je sors ma lampe et j'essaie de regarder ce que c'est. Tu te penches sur ces documents, tu farfouilles un petit peu. Est-ce que tu parles allemand, Sacha ? C'est pas toi. On doit avoir des bases parce qu'on s'est frité contre eux, tout ça, mais genre surtout nous, on a dû gérer un petit peu potentiellement des prisonniers pendant la guerre, mais ça doit pas être transcendant quoi. Surtout que je suis pas super éduqué donc. Tu farfouilles dans ces documents, tu comprends pas grand chose de ce qui est noté dessus. Il y a un mot qui te saute au visage parce que il revient assez souvent dans les papiers. Auferstehung. Ce mot, tu arrives à le traduire. Résurrection. Effectivement. Mais tu ne vois pas que ça. Il y a quelque chose, un logo qui te saute au visage. Ce logo. Tu bouges un petit peu, tu te rapproches avec ta lumière pour mieux le voir. Et tu vois ce logo sur le papier. D'accord. Chef. Oui. Vous voudrez peut-être jeter un œil à ça. Genre, je parle pas bien l'allemand, vous y serez peut-être meilleur. Mais c'est bizarre. Ce que j'ai compris, ça parle de... Enfin, du moins, ils insistent beaucoup sur un concept de résurrection. Alexei, tu vas me faire un jet d'éducation, s'il te plaît. Oui. Ça passe. Ce logo, tu le reconnais. Tu as une sueur froide à la lecture de la partie droite de ce logo. L'Annenerbe. Tu te remémores un petit peu les récits de guerre que tu as pu avoir, que tu as pu récupérer de tes comparses. L'Annenerbe est une section un petit peu cachée de l'armée allemande. C'est la zone un petit peu occulte de l'armée allemande. Tu te souviens que... Oui, voilà, c'est ça. Dans ta traduction, tu te souviens que c'est la Société pour la Recherche et l'Enseignement sur l'Héritage Ancestral. Un institut de recherche pluridisciplinaire nazi. Créé par Reichsführer SS Himmler. Étonnant. C'est un institut qui a pour objet d'étude l'esprit, les hauts faits, le patrimoine de la race nordique, toutes les recherches archéologiques, historiques de la race aryenne. Mais pas que ça. C'est... aussi tout ce qui potentiellement pourrait tenir des recherches occultes de l'armée nazie. Et ça te fait froid dans le dos. Tu... Ah putain. Petite goutte de sueur coule le long de ton front et vient s'effondrer, vient s'éclater sur ta joue. Bon, les alors, enfants. C'est quoi ça appartient à une section spéciale chez les nazis. Une section de recherche, mais de recherche basée sur l'occulte, les traditions nordiques, ancestrales. Sur le folklore de cette soi-disant putain de race supérieure. Et donc, il semblerait que cette section de recherche soit sur cette île. Et j'aime autant vous dire, les enfants, que ça va pas être une partie de plaisir. Et ces conneries de résurrection. Je me retourne, je fais... Comme t'as dit, hein, c'est que du folklore. Tout ça, c'est des conneries. C'est rien de plus que des soldats et... On va s'en occuper comme à notre habitude. Oui, c'est sûr, mais... ça a été quand même développé par... Himmler. Qui veut dire que... S'il investit... Des troupes... Et de l'argent là-dedans... C'est qu'il compte bien trouver quelque chose. Et rien que de savoir que c'est ce personnage-là C'est quand même lui qui a développé cette connerie de solution finale. Ouais, au final ils ont perdu la guerre. Bon, est-ce que ça leur a servi à grand chose? Faut voir ce que ça a fait. Regarde... Ils ont des couilles de se pointer chez nous quand même. Regarde l'état de notre beau pays. Bon, tout ça pour vous dire, vigilance maximum. Aux affûts tout le temps. On sait pas s'ils sont encore sur l'île. On sait pas ce qu'ils sont venus foutre. Moi, de mon côté, j'ai trouvé du matos pour creuser, pour déblayer, et j'ai relevé une odeur de poudre qu'ils ont dû ramener des explosifs. Ouais. De quoi faire des tunnels ou... Ça sent cohérent avec Légus à qui on a affaire. Hein. S'ils sont là pour faire des recherches pseudo-archéologiques, ils vont devoir excaver à un moment. Donc, je sais pas combien ils peuvent être. Mais, On a une idée, Fafa, de la taille, enfin, voilà, de la capacité approximative d'un bateau comme ça. 15 ou 20 personnes. Ok. Et c'est pas pour autant qu'ils ont pas fait 15 allers-retours. Oui. Bon, déjà, on sait que depuis un mois et demi, deux mois, il a pas bougé. De toute façon, cette histoire de poudre, ça veut dire deux choses. On n'allume rien, on n'allume pas de flamme ici. Le bateau est peut-être piégé. Et s'ils font des fouilles, s'ils sont encore en train de faire des fouilles actuellement, on les repérera facilement. Au bruit. Ouais. Bien vu. Déjà, à finir notre petit tour, il y a l'autre couloir à inspecter. Et il semblerait, pour le moment, qu'il soit pas revenu au bateau. Même s'il a l'air plutôt clean. Ils ont pas déposé de gravats, de... Ça semble encore vierge, on va dire. Mais... Il y a plus de précision sur ces conneries de résurrection là dans le papier, parce que j'ai pas tout compris, mais ils avaient l'air d'insister. Est-ce que du coup je connais ce projet de... Non, tu vois que c'est des papiers pour le menu fretin, quoi. C'est simplement rejoignez-nous dans le projet résurrection, vous êtes là pour la bonne cause. D'accord. C'est pas décrit. Là, c'est juste un vieux truc de propagande, quoi. Ouais, c'est pour le, voilà, c'est pour ceux qui... propagande locale, mais... Ouais, voilà, c'est pour les militaires qui suivent, quoi. C'est pour, ils leur ont donné le nom du projet, ils leur ont dit que c'était cool, et puis basta, quoi. Chez nous, on a des cookies. C'est ça. Bon. La base. Ben non, je n'ai pas d'autres infos. Sache, c'est une simple affiche de propagande, quoi. Bon. Histoire de motiver... leurs troupes à venir jusqu'en Russie pour risquer leur vie pour un projet qui semble bien folklorique. Eh ben, on leur demandera gentiment quand on les verra. Ouais. Si on arrive on en attraper. On les conserve quand même les documents ? Je sais pas si ça vaut bien le coup. Ça fait au moins des preuves si jamais on trouve rien. Bon bah, Doc, si vous avez de la place dans votre ouais. Sacoche. Ah, je mets ça dans mon paquetage. Je l'ai roulé puis je l'ai mis dans le paquetage. Pas de soucis. De toute façon, vu comme la porte était usée, ça fait un petit moment qu'ils sont pas repassés ici, donc si ça se trouve, ils feront même pas la différence. Très bien. Sacha ? Ouais. Devant toi, une porte, un petit peu plus loin. Avant toute chose, je demande au gars, du coup, le bateau a l'air complètement vide, on continue à rester groupé ou vous voulez qu'on se sépare pour gagner du temps ? Autant rester groupé. C'est ce que j'allais dire. On reste groupé. On sait pas s'il est piégé. On peut pas prendre le risque de d'une embuscade ou d'un soldat qui serait resté à la traîne à surveiller le bateau. On prend pas de risque. Ok. Puis pour c'est pas des rigolos les... Puis pour peu qu'ils arrivent à ce moment-là... Ce serait dangereux qu'on soit séparés. Ouais. Ça me va. Du coup, je range ma lampe. Enfin non, je suis quand même plutôt confiant. Donc je garde ma lampe, juste je sors mon nagan. Et j'avance vers la porte. La porte au fond. D'accord. Les autres ? Je fais un dernier tour dans la pièce, voir si... Tu remarques rien de particulier ? Je trouve pas des trucs intéressants. Non. Non. Bon. Pas plus de choses en tout cas. Bah, ouais, du coup, je reprends la même formation que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Du coup, une fois, j'attends qu'ils arrivent et quand ils sont derrière moi, je pousse la porte. Un petit peu sombre dans cette pièce. Il n'y a pas l'air d'avoir de vue sur l'extérieur. Quand ta lampe balaye l'intérieur de la pièce, tu vois des lits. Un dortoir, plus exactement. Des couchettes les unes sur les autres. Tu avances ? J'aimerais compter. Genre, je dénombre combien de lits, là, comme ça ? Ce que vous estimiez à peu près à la volée, une quinzaine de lits. Alors après, est-ce qu'ils prenaient des tours de sommeil aussi ? C'est pas impossible non plus. Ok, bah ouais, du coup, je vais avancer en faisant... genre en checkant chaque lit, voir, enfin genre essayer de regarder un peu s'il n'y a pas un truc qui m'attire l'œil, en proposant à Alexei de regarder en dessous quand il passe. Ouais, moi je regarde sous les matelas, si les mecs ils cachent des trucs en dessous, sous leurs oreillers, dans les draps. Je tâte un peu les matelas, voir s'ils ont pas mis un coup de couteau pour l'ouvrir et mettre des trucs dans les matelas. Dans ces cas-là, tu vas me faire un jet de chance. Super. J'aurais préféré un jet de perception, hein. Ça passe Allez. Attends, je vérifie quand même. Oui, ça passe. Il fait le malin et puis il panique. En effet, Alexei, quand tu passes ta main, tu fouilles. Les premières rangées, tu trouves rien. Vous continuez d'avancer et... Et à un moment, tu sens une boîte. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Je la sors. Tu vois sur... l'extrait. Cette boîte qui... C'est pas une caisse-boîte, hein, je tiens à le préciser. Une boîte d'une trentaine de centimètres, un peu moins. Peut-être 25, 20-25 centimètres. Tu remarques le bel écusson nazi sur le dessus de la boîte. Un petit loquet. Pas fermé. Ou en tout cas rien qui ne le bloque. Qu'est-ce que tu fais ? Je tourne la boîte, je regarde en dessous. Enfin, je la tourne. Je la tourne de façon. Je la retourne pas quoi. Je tourne autour, je regarde en dessous, j'essaye de sentir la jointure, si ça sent la poudre ou. Tu remarques rien de particulier, tu remarques si que c'est un bel ouvrage. Ok. C'est une belle boîte. Ça me semble pas piégé. Non. Non. Ok. Ça fait son poids quand même. C'est en métal ou en bois ? En bois. Ok. Bon bah je l'ouvre. Tu l'ouvres. C'est un coffret. T'es chiant toi. C'est une boîte coffret. La fameuse boîte coffret. Tu ouvres et ce que tu trouves à l'intérieur est pas désagréable à voir. Un magnifique Luger avec un chargeur supplémentaire. Bel ouvrage avec un petit mot. Tu le traduis, c'est dans un allemand approximatif. Rends-nous fiers, mon fils. Rends fier ta patrie. Bon, les gars. voulez un Luger? Ouais, j'ai ce qu'il me faut. Je dis pas non, mais techniquement j'ai ce qu'il me faut aussi. Bon, bien. Je le garde alors, au cas où. J'ai pas d'arme de poing. Je voulais pas trop me charger. Mais bon, très dommage de laisser cette arme là ici. De toute façon, ils l'ont oublié. Ouais, bon, bah du coup, j'essaye de trouver un endroit où je peux stocker le chargeur plus le Luger. Oui, de toute façon, tu l'as trouvé sur un jet, sur. Chance, donc tu trouves un endroit pour le stocker. Je continue mon inspection approfondie. Tu ne trouves rien d'autre de particulier. Mince alors. Tu vois des croix chrétiennes, tu vois des photos de famille, de jolies filles. Et vous avancez. Sacha, devant toi une autre porte, celle-là en métal. J'essaie de pousser, voir si c'est verrouillé, toujours pareil. C'est une porte qui se tire. Bah du coup je tire. Tu vas me faire un jet de force. Alors pour le coup là, ouais. J'allais dire j'essaie de... Genre je range la lampe. Jet de force. Moi pendant ce temps là je... Putain ça rate. Je charge le Luger. Très bien. Sacha tu... Putain tu tires. Tu dis ouais, non, tu te remets un peu en position. Du coup ouais, je range le flingue. Ouais, tu mets le pied contre la paroi, tu mets ta main et tu tires et tu bascules en arrière. T'as oh, mis ça va, Sacha ? Beaucoup de force, t'es tombé sur le dos, t'es un peu au sol. Wow, enfin merde. Je regarde, je lui dis quand tu tires une porte pour l'ouvrir, faut pas mettre le pied sur la porte. Si j'avais mis le pied sur la porte, je serais pas par terre. Je l'aide à se relever, je lui tends... en train de tirer sur la porte. Elle était rouillée, mais visiblement, moins que ce que je croyais. Je te tends mon bras. Ouais, je l'attrape ça. Allez mon gaillard. Merci, chef. Bon. Du coup, je ressors. Devant vous, la salle des machines. Vous voyez un moteur. Juste l'espace de faire passer un homme, au grand maximum. La pièce est pas très grande. Vous remarquez quelques outils au sol. Rien de particulier, quelques posters de Fraulein très peu vêtue. Vous voyez une petite photo de Adolf Hitler, histoire de leur porter chance dans leur voyage. Je l'attrape, je la déchire. Putain, j'allais faire pareil. Bonne idée, Sacha. Rien d'autre. Et je voudrais savoir si, parmi mes vagues connaissances, j'aurais moyen de trouver comment saboter un peu un truc. Oh là là, mais cet homme est dans ma tête! Eh ben, histoire que s'ils veulent repartir, ben ils repartent pas. Oh, une flamme dans le réservoir. Hein. Tu peux mettre des coups à l'intérieur, tu sens que... Enfin... Une flamme dans le réservoir, je suis pas très rassuré, Doc. Grosso modo, déjà tu sens que le moteur est froid, hein, qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Et tu sais que si tu tapes à 2-3 endroits en mode un petit peu brut, ou si tu tires une balle ou autre, le moteur il va pas faire long feu quoi. J'ai pas envie de gâcher une balle, mais ouais, du coup je voudrais mettre bourriner un peu sur le moteur histoire de l'éclater. Tu fais ça, t'as 2-3 pièces qui tombent au sol dans un. Dans un fracas qui fait quand même un peu de bruit. Hein. Je te cache pas que. Les pièces métalliques qui tombent sur un sol métallique. Puis même les coups que j'ai dû mettre, ça aussi. A dû porter, ouais. Mais voilà. Oh, mes oreilles! Tu sais que. Il va falloir qu'ils se mettent un petit peu de temps à réparer le moteur quand même. Si bon, bah, je crois qu'on est au bout. S'il y avait encore des nazis dans le bateau, maintenant ils sont au courant. Je hausse les épaules. N'empêche, le doc avait pas de tort. Hein. Une fois qu'on aura quitté ce ratio, faudra peut-être qu'on le fasse exploser. Il y a bien un accès carburant de l'extérieur. On ouvre, on met un truc, une fusée éclairante. J'ai un Zippo, Je peux le laisser sur place, si on a fini. Ouais, aussi, aussi. C'est pas toi, Sacha, qui a une grenade? Si, si, effectivement, si elle a toujours pas servi, ça pourra marcher aussi. Ouais. Sinon, vaut mieux la garder au cas où, mais... J'allume une clope, je la fume, je la mets dans le, réservoir. Enfin bon, on verra ça plus tard. On a encore pas mal de choses à faire ici. Oui, oui. Bon, les gars, je crois qu'on est au bout. Ouais, bon, bah faut retourner point de départ et faire l'autre couloir. Yes. Bon, bah on te suit. Du coup, on part sur ça. Vous revenez sur vos pas. Sacha, tu as toujours la tête. Victor, tu fermes la marche. Alexei, tu es au milieu. Ouais, je tends l'oreille voir si on n'a pas... Si on n'entend toujours personne. Toujours personne. Depuis qu'on a fait le raffut. Vous entendez rien du tout. Ok. Vous prenez donc la porte de droite. La porte est fermée, mais sans effort, tu l'ouvres. Vous longez le couloir et vous vous retrouvez devant l'escalier que vous avez descendu pour atteindre la pièce. Cet escalier qui mène à l'extérieur du bateau. Vous le montez, marche à marche. Fort de ces découvertes que vous avez faites à l'intérieur. Vous descendez du bateau. Qu'est-ce que vous faites ? Du coup, je vais voir s'il y a un accès. Où est le trou pour remplir le carburant, remplir le réservoir. Ah, tu me fais un jet de chance. Du coup, j'avais peut-être mal compris, mais il me semblait qu'il y avait deux chemins, non ? Oui, il y avait dans un le bateau en face. Non, non, il y avait en fait le couloir droite-gauche, c'était en fait une deux couloirs qui menaient exactement dans la pièce. Ah de d'accord, vie. C'était symétrique. Ah ok, ok, ok. Bon, qui ? Mais à coup pas. Pas de chance. Ça ne passe pas. Ça fait deux fois de suite que je fais 77. Tu ne remarques rien sur l'extérieur du bateau. Bon, de toute manière, c'est peut-être pas plus mal qu'on le fasse pas sauter maintenant. Parce que si on veut tenter une approche discrète, ce qui me semble être la meilleure option, faire exploser le bateau, c'est pas la bonne solution. Du coup, ouais, je me tourne un peu vers... vers la plage et tout ça, donc il y a de ce côté-là, là, de la, il y a que des falaises, il n'y a pas d'accès vers l'intérieur des terres. Non, c'est très peu praticable. Bah du coup, ouais, j'avance un peu. Je sais pas si c'est, ouais, si j'avance un peu, du coup. Donc t'avances de ce côté-là. Vu que j'ai pas trop la vision, je m'avance vers cette direction un peu par là. Non, plutôt par là. Bah concrètement. Pour essayer de voir si de l'autre côté on voit un accès, puisque je pense que ça, je l'ai pas encore vu. Non, en effet. Et à mesure que t'approches, en effet, à ce niveau-là, tu remarques un petit chemin qui part à l'intérieur des terres. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît, Sacha. Oula. J'ai tout vu. Ouais, t'as tout vu et t'as rien vu en même temps. Et surtout, il a rien vu, hein. Sur un échec critique, je peux voir tout et n'importe quoi, c'est... T'as du sable dans les yeux. Tu te focalises sur un point, t'as l'impression de... Tu te penches en avant, tu vois un reflet. Tu vois quelque chose qui se trouverait un peu plus loin dans cette direction, mais... Et d'un coup, à 15-20 mètres de toi, tu as un trait de foudre que tu n'as pas senti venir, qui s'abat juste à côté de toi. Tu prends peur, tu t'étales au sol. Pendant un certain temps, tu vas prendre un malus de moins de 10 sur l'observation. Ok. Le trait de foudre a frappé très proche. Ça t'a un petit peu stun. J'ai ressenti le côté foudre à côté de toi, parce que normalement ça se ressent quand même. À la percussion, genre, t'as un choc quoi. Oui, bah c'est ce qui t'a propulsé au sol en fait. C'est ça, donc j'ai bien senti le choc, c'est pas... T'es, t'es c'est pas une hallucination quoi. Non non non, tu l'as bien senti, tes collègues l'ont vu aussi, le trait de foot qui a tapé. Toi t'as été projeté au sol dans un cri très efféminé. Ah ouais, ouais, c'est ouais, ce genre de cri que de toute façon tu ne contrôles absolument pas, c'est... Voilà. Moi je passe à côté, je regarde, je fais alors, premier coup de foudre. Ça me fait rire et je l'aide encore une fois à se relever. Sacha. Très bien. Ça va aller ? Il faudra bien. Je compte sur toi. Hein. Déjà qu'on a perdu Vlad la Beach. Vous inquiétez pas pour moi, chef. J'en ai vu d'autres. Oh, ça je sais. Mais bon, c'est pas tous les jours que la foudre s'abat à tes pieds. Bon, avant ça là, j'ai cru apercevoir un truc par là-bas, une sorte de reflet. Du coup, ce serait peut-être bien d'aller voir. Puis de toute façon, je crois qu'il y a reflet. Pas d'autre chemin d'accès. Un reflet. Ça avait l'air un truc lumineux. Ça pouvait se refléter sur quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, un bout de verre au sol. Je saurais pas dire. Ok. Bon. De toute façon, je pense que c'est un peu notre route. Hein. Ça a pas l'air oui, d'être. Oui. Le reste n'a pas l'air accessible. Donc, on va dans cette direction. On est très très vigilant sur les traces de pas, les marques aux arbres. Des herbes fougères écrasées, on regarde tout. Je compte sur vous. Vos pistes, ces salopards, on les trouve. Qu'on trouve notre équipe. Va nous falloir un sacré coup de bol quand même. Hein. Ça fait un mois. Et cette flotte. Oui, la météo n'arrange absolument pas la visibilité. Je regarde la map. Que le pêcheur nous avait filé. Ouais. Et j'essaye de repérer un peu où est la cabane de chasseur. Vous voyez par rapport à notre position. Vous voyez qu'en effet, il n'y a pas 750 chemins sur l'île. Vous voyez un espèce de trait qui indiquerait la direction que vous êtes en train de prendre. Ok. Donc techniquement, on est censé y passer si on s'enfonce, quoi. C'est ça. Ok. Et puis, si on prend le chemin tu m'as indiqué, là, Sacha, on devrait tomber sur la cabane de chasseurs, donc on pourra aller inspecter. Je pense que de toute manière, on n'a pas trop le choix, donc messieurs, en avant. Et je commence à partir, à prendre le lead. Je sors mes jumelles. Et je les mets autour de mon cou. Et j'avance. Moi j'ai juste une question avant de partir. Oui. Est-ce que, là c'est question à OMJ. De la plage, j'essaie de regarder si je vois que la tempête elle est vraiment genre... Si elle va loin au-dessus de la mer ou si elle s'arrête peu de temps après l'île. Tu vois qu'elle s'avance quand même un petit peu, mais... Mais elle va clairement pas jusqu'aux côtes suivantes ? Non, non, elle va pas. De toute façon, vous avez quand même parcouru pas mal de distance en bateau. Et Mel, tu vois qu'elle va pas atteindre Providenia. Et puis de toute façon, tu l'as vécu quand tu as... Quand tu as pris le bateau. Tu as vu qu'au départ, oui. c'était orageux, mais parce que c'était le temps sur Providenia. Et au moment où tes collègues se sont tous cassés la gueule, c'est à ce moment-là où tu as senti le changement et que c'était un peu plus brusque au niveau de la météo. Ouais. Donc ce qui veut dire que c'est pas prêt d'être terminé. Voilà. Parce que les tempêtes comme ça, quand elles sont au-dessus des îles, elles ne bougent pas. Parce qu'elles sont bloquées par l'eau qu'il y a autour, donc il faut juste attendre que le nuage se vide. Vous avancez ? Bon. Ouais. En avant. Je prends le lead, vu que j'ai quelques compétences de dépistage entre guillemets, enfin. Qui en deuxième? Je propose que le doc se mette en deuxième. C'est la position la plus sûre entre guillemets. Ça va. En rouge. Et Sacha, tu seras en jaune derrière. Et vous avancez. Vous êtes à l'orée d'un chemin. La végétation est plutôt touffue. À cet endroit, vous notez quelques petites côtes rocheuses sur votre gauche. Pas quelque chose d'exceptionnel. Quelques mètres. La végétation est dense, assez luxuriante. Vous avancez. Faites-moi tous un jet d'observation, s'il vous plaît. Allez! Je crois que ça passe. Moi, ça passe pile poil. Oui, ça passe. Toi, Sacha? Tu... Sachant qu'il a son malus de 10, hein. Ouais, bon, ouais, il a fait 20, 10, hein. Oui, oui, non, mais... C'est pour dire que là, il voit tout. Là, il est bien, là, il est correct, tu vois. Ça l'a mis bien, clair. Bien. Tu remarques deux choses. Ton regard balaye à gauche et à droite. Toi, Alexei, tu es concentré plutôt sur l'avant de la marche. Oui. Et Doc, tu regardes un petit peu les alentours, je suppose. Un peu à gauche, un peu à droite. Toi, Sacha, tu vois deux choses. À cet endroit où je ping. Ouais. Et à cet endroit où je ping. D'accord. Un trait de foudre, en fait, à faire refléter deux petites choses. Toi, Alexei, tu vois un vague reflet à ce niveau-là. Tu saurais pas trop ce que c'est. Mais t'as remarqué un petit quelque chose qui t'a accroché l'œil. Doc, okay. C'est pareil, tu as vu quelque chose à ce niveau-là. Quelque chose qui t'a accroché l'œil aussi. Dans les deux cas, vous ne sauriez pas dire ce que c'est. Mais plus vous avancez, plus vous avez ce sentiment un petit peu d'oppression. Ok, qui s'installe. Je fais un signe de la main, genre stop, je ferme le poing, je le mets en l'air. Je leur dis qu'on se mette en cercle. Et je leur chuchote. J'ai vu quelque chose là-bas. Un reflet. Peut-être même le même reflet que Sacha a vu plus tôt. Effectivement, j'en ai vu un aussi. J'en ai vu deux, un de chaque côté de la route. T'en as vu deux? Ouais. À gauche et à droite. Et effectivement, ça. C'est ce genre de reflet que j'avais vu tout à l'heure. T'as vu quelque chose, toi, Victor? Ouais, un petit truc à droite, probablement le même que Sacha a vu. Ok, donc Sacha, semblerait que t'aies vu les deux, tu peux le confirmer? Je sais pas, bah vous avez bien vu un truc dans le buisson en face à gauche et un truc un peu plus proche à droite? Moi j'ai vu que celui du bout. Mais toi, Doc, c'est celui de droite, je suppose? Ouais, c'est celui de droite. Ouais, du coup il semblerait que j'ai vu les deux mêmes que vous, séparément. Ok, bon. On va inspecter les deux plus proches. Ouais. Doucement, que ce soit des pièges, des fils tendus avec des grenades par exemple, c'est ça que je pense. On y va exactement, très prudent, on inspecte là où on met les pieds, surveille, et... Vous êtes dirigé donc vers celui-ci? Ouais, et on essaye de ne plus parler, on limite nos mots, on limite le volume sonore, parce que maintenant on est en territoire ennemi. Ou du moins, on est sûrement en territoire ennemi. Donc, prudence. À la limite, là, entre là et là, il y a combien de mètres? À peu près. Bah, tu vois, ça fait 30 pieds, donc ça fait... Ouais, c'est à l'échelle. 20-30 mètres. Ouais, c'est plus ou moins à l'échelle, ça fait 20-30 mètres, quoi. Ok, bah, à la limite, on pourrait... Potentiellement, on peut se séparer. Mais on n'est pas loin. On est toujours à vue. Ok. Moi du coup je suis plus, vu que je suis quand même pas mal dans l'optique que ça pourrait être un piège, genre un fil tendu, tout ça, je suis plus pour l'idée de passer un peu autour, quitte à passer dans les buissons. Faut voir si c'est praticable, mais oui. Ouais, non, mais si c'est praticable, bien entendu. Moi je serais aussi d'avis. D'où l'idée de se séparer si c'est Si c'est un piège, qu'on puisse désamorcer les deux bouts en même temps. Ouais. Ouais. Et à l'avenir, faudra qu'on avance le long de la route, mais pas sur la route même. Faire gaffe à où on met les pieds. Et si quelqu'un trouve quelque chose d'important, il siffle et il nous fait signe de venir. Très bien. Et on réplique. Et vous vérifiez bien que la zone est safe. Pas de piège, pas de grenade, pas de fil tendu, rien. C'est ça, c'est ce que je pensais faire, c'est que pendant qu'on se dirige vers là, genre, je porte une attention toute particulière sur cet axe-là, s'il y a un fil ou des trucs au sol. Très bien. Doc, sachant que les actions que vous allez faire actuellement sont simultanées, vous allez les faire en même temps. Ouais. Je vous les fais jouer séparément, évidemment. Oui. Doc, je te fais passer en premier. Tu pars donc dans cette direction-là, à travers les fourrés. Tu avances très prudemment. En avançant doucement, donc en balayant toujours avec un pied devant moi, avant de le poser par terre. Tu avances. Des petites ronces viennent s'agripper à ton pantalon. Ta démarche est difficile dans ces fourrés. Tu avances. Lampe tendue, je suppose. Ou tu y vas à vue? La lampe met vers le sol. D'accord. Pour éclairer juste devant moi. Pour pas genre être comme un phare dans le... trop loin si jamais. Tu avances difficilement. La pluie te gêne. Les fourrés te gênent. Mais tu avances. Tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît. C'est le jet à pas louper. C'est un peu et ça. Et c'est loupé. Tu avances. Alexei et Sacha. Oui. Vous avancez. Je tiens à signaler que j'ai rangé mon arme de poing, j'ai sorti ma mitrailleuse légère. Ouais. Donc ma DP28. Très bien. Certes, j'avance et j'accompagne du coup Alexei. Et je fais gaffe à où je mets les pieds. Mais j'essaie d'être vigilant. Je suis plus focus sur. En me déplaçant où je vais, mais les alentours, que vraiment l'objectif de notre destination. Parce que. Bah, il faut pas non plus qu'on baisse notre garde. Certes, il y a deux points de focus, mais il y a aussi toute une zone hostile qui est cette manière, je suis juste devant toi pour. Pour c'est éventuellement ça, te dire s'il y a de la merde au sol, donc. Vu que je le suis, je garde un focus quand même pour faire gaffe à où je mets les pieds vaguement. Okay. Et si lui me fait un signe, mais je suis plutôt en mode scanner l'horizon. Ok. Ouais. Alors bien. Que moi, c'est vraiment plus le sol, les éventuels pièges, etc. Très bien. Vous m'indiquez quel chemin vous prenez tous les deux, vous suivez le même chemin ou vous séparez? Ah, je le suis. Vous avancez plus facilement que Doc. Le terrain est un peu plus dégagé, un peu plus praticable, bien que assez glissant. Vous êtes souple sur vos appuis, vous avancez sereinement, tranquillement. Vos yeux balayent de part et d'autre, devant vous, au sol. Vous faites attention aux moindres éléments. Qui sortirait de l'ordinaire. Vous allez me faire tous les deux un jet de chance. Plus 10. Sur votre capacité de chance. Parce que pour le coup vous êtes deux. Eh ben il fait du bien le plus 10. Et moi aussi il fait du bien. Yes. Alexei et Sacha, vous avancez prudemment. Toi, Doc, tu mets le pied sur... Tu saurais pas trop sur quoi tu mets le pied. C'est gluant, mais un peu craquant sous ta semelle. Mais appétissant. C'est ça. Pas vraiment, en fait. Fais-moi un petit jet de physique, s'il te plaît. Et bam, mange ta blague. Normalement, les gens en dessous de 25, j'ai réussi. Oups. Tu glisses brutalement. Ta tête rentre en contact avec cette même sensation visqueuse, un peu solide, un peu... Tu te relèves, tu nettoies les yeux, tu regardes tes mains. Elles sont rouges. Elles sont marron. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Vomito. Ça passe. Ta formation de médecin, et ce que tu as pu voir pendant tes études, te retient, te permet de te retenir de vomir face à cette espèce. J'ai l'habitude d'en voir. D'immondice qui se trouve en face de toi. Tu as un corps humain en putréfaction. Dégueulasse. Il manque des morceaux arrachés. Des parties du ventre sont inexistantes. Les boyaux sont au niveau du sol. Tu te rends compte que tu as marché sur un morceau de bras ou un morceau de jambe. T'arriverais plus à discerner exactement ce que c'est. Mais tu gardes malgré tout ta constitution. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, est-ce que je vois autour du corps en putréfaction un uniforme ? Oui. C'est un uniforme c'est russe. Notre équipe. Ouais, ok, c'est un uniforme russe. Je regarde autour si je vois une arme, un sac ou quoi que ce tu soit. Tu vois rien du tout. Plaque. Tu vois juste la plaque qu'il a autour du cou. Qui est restée. Ok, je prends la plaque. Tu regardes le nom et tu sais que il a fait partie de la première équipe. Ouais, je la prends. Je tire un coup sec dessus. Tu arraches une partie du cou quand même avec. Je sais. Qui vient avec toi. Alexei et Sacha, vous avancez. Vous ne prêtez pas attention au bruit de votre collègue qui s'effondre lamentablement. Et devant vous, un piège à ours. Tout ce qu'il y a de plus simple, posé. Vous observez autour, rien du tout. Juste un piège métallique qui a reflété la lumière d'un trait de foudre. Victor, tu fais quoi ? Du coup, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à côté, qu'il n'y ait pas de piège ou truc comme ça, parce que s'il y a un truc qui a brillé... C'était la plaque. Je me dis, voilà, c'était probablement la plaque, mais dans le doute. Tu vois. Je vérifie, si je vois rien, je me dirige vers... Tu vois que vers le corps. Sacha et Alexei. Tu te diriges vers eux. Du coup, là, je fais, bon, Alexei, c'est pas pour toi. Je lui montre la plaque. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est pas pour toi. Tu vois surtout ton Alexei, tu vois surtout Victor recouvert d'un espèce de liquide chelou sur le corps. Est-ce que t'es tombé sur quoi là-bas ? En voyant la plaque, j'imagine que. Je suppose que c'est un liquide chelou qu'on a quand même dû voir plus d'une fois dans nos carrières. Bon, tu te doutes que la plaque elle était pas autour d'un arbre ? Oui, en voyant ta tête, j'imagine, je prends la plaque. Disons que ça fait plus d'un mois qu'il est là et qu'il est plus très solide. Ouais. Et disons que même ma compop de ce matin était plus épaisse. Vous faites quoi ? Le corps, comment il était ? Hormis en mauvais état, il me semble être logique au bout d'un mois et demi dehors. Il était dans une position particulière ou juste... Il était... C'est ça, du coup, Comme s'il avait tenté de ramper, en fait. Okay. La plaque... Il était couché sur le ventre. Ouais, sur le ventre. La plaque était... Comme s'il avait essayé de ramper. Après, vu son état de décomposition, impossible de savoir s'il s'est fait tirer dessus ou s'il s'est fait attaquer par un animal. Il avait tous ses membres ? Avant, probablement avant que lui marche dessus. Ah. Si j'ai glissé, c'est pas dans une ronce, hein. Avec les Rangers. Ok. Bon. Heureusement qu'il pleut, ça va te nettoyer. Bon, du coup, faudra qu'on fasse gaffe à la visibilité quand même, parce que si on trouve un piège à loup dans les fourrés, ça veut dire que. Il n'y en a peut-être pas qu'un. C'est ouais. Pas un piège à loup. Ouais, on a trouvé un piège à loup là. Pourquoi piéger les buissons et pas la route? C'est peut-être juste pour les chasseurs. Ils sont dégénérés, les nazis, hein, faut pas chercher. Après, c'est peut-être juste un truc pour les chasseurs. Peut-être. Je peux prendre un caillou un peu gros. Je sais pas s'il y en a sur le chemin, j'imagine que c'est un chemin de terre, je peux choper un petit caillou. Enfin, qui tient dans la main quoi. Ouais. Tu veux faire quoi? Je veux le claquer sur le piège à loup. Ah oui, tu le fais sans aucun problème. Tu le fais sans aucun problème, le piège à loup se déclenche, se referme. Dans un bruit de mâchoire métallique. Ça résonne dans cette. Ça s'entend beaucoup? Non, pas beaucoup. C'est okay. Quand même assez couvert par le bruit du tonnerre au-dessus de vous. Et je le ramasse. Tu ramasses quoi, le piège? Oui. Ok. Tu le prends avec toi? Oui. Ça va t'emmerder quand même, hein. C'est pas. Ouais, je le tiens en main gauche. Je le tiens en main gauche pour l'instant. Ok. D'accord. Tu sais, il est fermé, donc ça fait une espèce d'anse. Je le tiens par là. Ok. C'est tout ce que vous faites? On a trouvé que le piège à ours, nous? Oui. Ok. Est-ce que, Doc, tu penses que on peut faire un lien entre le cadavre que tu as trouvé là-bas et le cadavre qui a été repêché? Ou rien à voir? Ouf. J'en ai aucune idée. Ok. Ce serait compliqué de faire des liens tout de suite. Hein. Bon. On connaît même pas la cause de la mort dans les deux cas. Ouais, bon. J'extrapole... Le seul lien qu'on peut faire, c'est qu'il rampait comme s'il venait de la plage. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens en plus? Oui, il essayait de regagner la plage. Il essaie de regagner la plage, donc... peut-être qu'il y en a un qui a réussi à s'enfuir, qui s'est retrouvé dans l'eau. Ou qu'il a été jeté à l'eau. Ou que si ça se trouve, il est mort avant, il était bourré, il est tombé du bateau. On sait combien ils étaient, l'équipe qui est venue? Ouais, ça on doit le savoir quand même. 5-6, tout cassé. Ok. Pareil, c'était une petite équipe, c'était pas... Ok, donc on a déjà trouvé un sixième de l'équipe, quoi. Deux sixièmes. Non? Ah bah non, il a pas été identifié, celui qui est tombé. On peut pas le garantir, mais ouais. Ouais. Entre un sixième et un tiers de l'équipe, effectivement. Ça fait une belle fourchette. Ouais, on avance. Bon, eh bien... On prend le chemin. Ouais. De toute façon, on va pas rester ici à tergiverser et à spéculer. De toute façon, vu dans la direction dans laquelle il rampait, ce qui nous intéresse est en face. Hein. Oui, mais de toute manière, tout est au centre de l'île. Ce qui nous intéresse, la cabane, les possibles traces de nazis, ça. C'est sûr qu'on va pas faire des châteaux de sable, alors ce qui nous intéresse, c'est pas sur la plage. Non. Je commence à marcher. Très bien. Je marche aussi et j'essaye de repasser devant. Qui repasse devant? On reprend la même formation du coup, ouais. Je pense. Le chef, le doc, Sacha. Yes. Ça. Vous avancez. Arriver à... Oh. Pas fonctionné, c'est pas... Arriver à ce niveau-là. Ce sentiment d'oppression devient de plus en plus présent en vous. Vous n'êtes pas serein. Vous avez des petits frissons qui vous passent au travers du corps. La découverte de ce corps vous a quand même touché. Faites-moi tous un petit jet d'observation, s'il vous plaît. ça passe. Ah bah voilà, enfin j'ai qui passe. Bah moi du coup avec le malus ça passe plus. Alexei et Victor, vous avez l'impression qu'on vous observe derrière ces arbres. Vous n'arrivez pas à percevoir exactement quoi. Mais vous n'êtes pas seul. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Probablement des animaux. Je continue. Est-ce que si je vais sur la gauche, j'ai moyen de genre de monter sur une petite colline ou à un point un peu plus élevé? Pour le plus élevé, tu peux voir, c'est ici. Ok. Genre je les remarque un peu les deux qui ziotent à droite à gauche tout ça, oui, ou oui, ils ont l'air. Tu le remarques, oui. Tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va pas les mecs. J'ai cru voir j'ai pas l'impression qu'on soit seul. Bien sûr qu'on n'est pas seul, c'est une île où il y a des chasseurs, il y a forcément des animaux. Oui, non, mais... Puis on sait entre, qu'il y a des Allemands. Entre une biche et un ours, pas pareil. Bon, de toute façon, on s'attend à trouver des nazis, donc bon. Oui, mais je préfère que ce soit eux qui aient la surprise plutôt que nous. Je pense que s'ils nous avaient déjà trouvé, on serait déjà... On le saurait, en tout cas. C'est ça. C'est pas des enfants de cœur. Ils sont pas trop du genre à... Ouais, mais c'est pas les SS, là. C'est de la recherche. Il doit y avoir des soldats. Ils en voient pas. Oui, bien sûr, mais... Et c'est Himmler, c'est forcément des connards qui font des vieux... Des vieilles... embuscades... Donc, ok, c'est des nazis, mais... J'sais pas. Moi, si j'allais gratter en territoire allemand, je m'amuserais pas à attendre que les Allemands viennent se balader pour les flinguer. Si je les vois, je les fume. Bah ouais, mais... Ils sont un peu tarés, hein, t'sais. Ils voient trois Russes qui arrivent. Ils sont là pour récupérer une équipe qu'ils ont possiblement descendue. Ils voient trois petits Russes qui arrivent. Ils vont s'amuser, hein. Faut pas croire, hein. Pour eux, là, on est les proies. Bon, on spécule ou on avance? On avance. Vous avancez. Soyez prudent. Vous avancez. Toujours. Et je jette des coups de jumelles de temps en temps. Au loin pour... Des petits coups random de temps en temps, ouais, vraiment aléatoire quoi. Tu remarques rien de particulier? C'est un petit peu, disons que t'as vu un petit peu gêné par la pluie, par le vent, enfin les feuillages devant toi, etc. C'est pas c'est pas ultime quoi comme. Vous avancez. Et devant vous, vous voyez cette rivière qui traverse. On arrive par le bas du coup ? Oui, vous arrivez par le bas. Okay. Vous avancez. Toujours pas rassuré par ce que vous avez pu entreapercevoir quand même. Des animaux. Possible. De toute façon, vous n'avez en tête que votre mission. Donc vous avancez. Vous ne remarquez rien de particulier. Vous arrivez devant ce pont. Que faites-vous ? Coup de jumelle de l'autre côté du pont, essaye de voir s'il n'y a pas genre un nid mitrailleuse qu'ils auraient installé ou un truc comme ça pour défendre le pont. Et après, j'inspecte l'état du pont et voir s'il y a des traces de bottes ou de véhicules, Pendant ce temps-là, moi je check genre un peu les abords au niveau de la rivière. Toi, Nova, Alexei, pardon. Doc, excuse-moi, tu veux faire quelque chose en particulier ? Pour l'instant, je suis. D'accord. Je vois qu'il s'occupe d'inspecter aux alentours, donc moi je reste attentif à là où on marche, donc avec la lampe et puis un petit peu sur les côtés, voir s'il n'y a pas un piège, un fil tendu ou une connerie comme ça. Vous remarquez rien de particulier. C'est assez étrange après ce que vous venez de voir. Vous attendez presque à trouver quelque chose d'un peu inhabituel. Mais non, le pont a l'air plutôt sécure. En tout cas, tout ce que tu peux voir avec une jumelle. Pas voir les détails non plus. Sacha, sur les abords de la rivière, tu n'entends rien. Toi, Victor, tu es tranquillement en train d'observer à gauche, à droite. Rien de particulier. Vous avancez ? Ouais. Alexei, tu es le premier à traverser le pont. Ya. Tu passes. Les planches sont pas de première jeunesse. Mais tu passes. Sacha, toi ? Ça, attends, parce que du coup, moi je passe en troisième normalement. Est-ce que ça grince quand. C'est. Ouais, tu sens que le bois a pas été posé là il y a trois jours. Si j'entends que ça grince quand Alexei passe, genre au moment où Doc est sur le pont, je m'engage pas, j'attends qu'il ait fini. De toute façon, Doc, tu passais en même temps que ton chef ou tu attendais qu'il ait passé ? Oh bah non, de toute façon, par sécurité, j'attends qu'il fasse quelques pas. Si je vois que c'est sécure, j'y vais. Si je vois que ça grince un peu trop, j'attends qu'il soit complètement passé avant. T'entends que ça grince quand même, c'est pas. Comme je disais, c'est pas un pont de première jeunesse non plus. Bah j'attends qu'il soit complètement passé pour m'engager. Ok. Doc, tu passes. Tu vas me faire un jet. Et à chaque fois, en roulant bien le pied pour répartir bien la force. Ouais. Tu vas me faire un jet physique, s'il te plaît. Physique, ça peut pas être de l'agilité. Si. En fait, si, fais-moi un jet d'agilité, pardon. J'avais presque oublié. J'étais un peu resté sur mes. Ouais, sur tes anciennes stats. Sur mes anciennes stats. Allez. Ça passe ? Ça passe. Bien sûr, j'ai 75. Ouais, effectivement. Ah oui, en effet, tu m'étonnes, pourquoi t'as voulu un jet d'agi ? T'aurais été capable de le louper, hein ? Oui. Tu répartis ton poids sous tes pas. Malheureusement, ça n'a pas aidé, tu sens deux planches qui cèdent sous ton poids. Mais. Ton entraînement militaire aidant, tu fais une magnifique roulade avant et tu évites de tomber dans un trou au milieu de ce pont vermoulu. Certaines planches étaient plus lâches que ce que vous pensiez. Sacha, tu vois ça, tu plutôt surpris de l'agilité de ton médecin qui se retrouve de l'autre côté dans une roulade digne des plus grands films d'action que vous avez pu voir. Sacha, toi tu passes sur les côtés du pont, je suppose. Ouais, c'est ça, je vais essayer de me rapprocher en fait des bords, vu que genre il doit y avoir des madriers qui seront quand même plus à même d'avoir tenu l'épreuve du temps que les lattes transversales. Tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît. Oh, sa mère. Allez! Oh, il est propre celui-là! Ouais. Tu avances. À mesure que tu avances, ton regard passe sur cette rivière. Et tu remarques quelque chose dans cette rivière. Un corps. Enfin. Pas complet. Juste. Le bas d'un corps. Il passe sous toi. Enfin, sous toi, au niveau du trou, quoi, grosso modo. Ouais. Du coup, genre, je vais. Bon, il est pas haut le pont par rapport à la rivière. Non, il est pas très haut. La rivière, elle avait l'air profonde. Elle a un petit peu de profondeur et un petit peu de courant quand même. Surtout avec la pluie en ce moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, genre. Je suis au milieu du pont. Ouais, t'es sur le côté au milieu du pont, là où il y a le trou, grosso modo, là où. Ouais. Ou Doc a failli mourir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon paquetage de mon dos en deux spies, le jeter Essayer de le jeter le plus loin possible, genre s'il arrive de l'autre côté c'est cool, sinon bah Inch'Allah. Et plonger en fait. D'accord. Tu vas me faire un jet d'agilité suivi d'un jet de physique s'il te plaît. Je vais essayer de rattraper le paquetage quand il le lance. Ok, le jet d'agilité, tu le lances dans les bras de la personne qui réceptionne ton paquetage. Et il atterrit avec une précision. Et du coup le un jet de physique. Ça c'est pas compliqué. Oh non, bah non, ça ça fait mal. Bah on non, peut pas tout avoir. Ouais, mais il aurait fallu que tu loupes ton jet d'agi. Écoute, je tiens mes affaires, ok. Ouais, mais tu tiens pas difficilement à ton corps, quoi. J'en ai vu d'autres. Tu te mets sur le bord du pont, fier de ton jet. Mais pas fier de ce qui va se passer parce que ton pied va glisser sur le rebord et tu vas t'étaler dans la flotte. Tu vois la moitié du corps passer à côté de toi, tu peux rien faire, tu es entraîné par ce bout de courant qu'il y a. La moitié du corps un peu plus rapide car plus légère que toi. Toi tu luttes physiquement. Putain le con ! J'essaie de la rattraper quand même, du mieux que je peux. Tu galères, t'es en moitié en train de... T'es perdu en fait dans cette eau, t'arrives pas à savoir si t'as pied, si t'as pas pied. Tu glisses, tu... Ouais, du coup, si je suis dans ce genre de config, j'essaie de passer en mode nage directement, tant pis. Même si je nage dans 50 cm d'eau, au moins je nage. Comme ça, j'essaie pas de me rattraper. Et tu veux nager dans quelle direction du coup? Bah dans la direction du demi-corps, donc je suppose en descendant le courant. Tu me refais un jet de physique s'il te plaît? Moi pendant ce temps là je me dépaque. Ouais, et là, voilà. J'essaye d'aller sur la rive à un endroit où je pourrais le pick-up si jamais il a besoin d'aide. Bah c'est Alexei, c'est ça? Ouais. Alexei, tu vas me faire un jet de physique aussi? J'ai dit au cas où. Hein, au cas où. Oui, non mais. Non mais je plonge pas. Hein. Non, mais t'inquiète pas. Fais-moi juste un jet de physique. Ça passe pas. De 4. Tu te mets ici, sur le bord. Tu manques de te casser la gueule dans la flotte. Tu vois ton compagnon de route Sacha arriver. Il a pu récupérer de justesse le demi-corps. Et il s'agrippe à toi, vous remontez tous les deux sans réel problème. Tu rates de 4, mais voilà, c'est là juste la petite glissade que tu bouffes. Petit dérapage panique. Oh, oh, oh. C'est un peu c'est ça. Vous bon, remontez. Sacha, là... Attention, merde. Casse la gueule. Bah ouais, fois, mais je pensais que ça pouvait nous intéresser. Et je lève vaguement la jambe que je tiens... Les deux jambes. Ouais, non, mais je l'ai attrapé par une jambe, ouais. Tu vois, c'est genre. Oh putain. T'as plongé pour ça? Bah écoute, si le doc nous dit que c'est l'autre moitié de ce qu'on a eu sur Terre, je pense que ça vaut le coup, ouais. Bon. Doc, qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'imagine qu'il me le ramène. Oui. Vu que j'ai eu le temps de pas mal inspecter l'autre corps, celui qui a été repêché, j'essaie de voir celui-là par rapport à son état de non-décomposition, on va dire. La morphologie globale... C'est pas les mêmes. Pourrait correspondre. C'est pas les mêmes du tout. Non. L'habit qui est dessus, sur les jambes... C'est ce que j'allais dire, au niveau uniforme, c'est... C'est allemand. Ok. Vous remarquez... Bon. Un petit bout de tissu rouge, blanc, noir dans une poche. Ouais, effectivement. Doc, tu peux me faire un jet d'éducation, s'il te plaît? Oui, je peux, avec plaisir. Je vais le louper, bien sûr. Non. On croit en toi. Bah voilà. Bah voilà. Il est si fort. Tu observes un peu plus en détail ce corps. Tu remarques quelque chose de particulier, un point blanc qui n'a strictement rien à foutre là. Tu te saisis, je suppose, d'une de tes petites pincettes que tu as. Tu retires ce point blanc et Fais-moi un petit jet de constitution rapide. C'est un petit verre. Petite dent. Ah, peut-être. Ça passe ? Bah non. Non ? J'ai 25. Ah, ouais, ah oui, c'est vrai que toi t'es du côté croustique de l'équation. Tu. Après. Tu sens tes fondements des cadavres, un petit peu. J'ai l'habitude d'en voir. Ouais, mais parce que tu tiens en main, en tout cas pas placé ici. Tout ce que tu pensais un petit peu ces derniers temps sur ce qui se passait sur cette île, etc., viennent de prendre un tournant assez particulier. Tu te sens un peu brassé par rapport à ce que tu vois. Oui, c'est une dent humaine que tu tiens. Elle était où ? Au niveau des jambes ? Au niveau du bassin, en fait. Mais côté chair. Ouais, ça a été... Une dent à l'intérieur ? Bah, dans la chair, quoi, oui. Comme si elle avait poussé là, ou comme si c'était quelqu'un qui l'avait mordu et qui avait laissé une dent ? Mordu. Exactement. Quand on disait que c'était des animaux, ces nazis, ils se sont entre dévorés. Ah bah là... Bon. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait ? On suit le chemin ou on suit la rivière ? Balance-moi ça à la flotte. Ouais, déjà. Ouais, ça, oui. Mais... Je veux dire, si ça descend la rivière, c'est que ça y a été jeté en amont, quoi. Sauf que je pense pas que ce soit très sécurisé de remonter la rivière. Est-ce que de toute manière on va trouver un passage pour remonter la rivière ? Voilà. Peut-être que le chemin longe la rivière, on sait pas après. Sur la carte, il y avait la rivière ou pas ? Elle est vaguement dotée d'un trait bleu, mais vous voyez que le chemin que vous prenez, en fait, que vous continuez, enfin, si vous continuez de l'arpenter, s'éloigne de cette rivière, mais pas tant que ça. D'accord. Bon, du coup, effectivement, je retire ce que j'ai dit. Non, mais c'était une bonne remarque, Sacha. Bon, on y va ? Ouais. Ouais. De toute manière, on a un job à faire. Vous avancez. Avec ces images de dents en tête, imaginez ce qu'a pu subir cet homme, même si pour vous ce n'était qu'un nazi, c'était un ennemi, mais potentiellement il s'est fait dévorer, il s'est fait croquer.